Parce que je me sens mieux. Et je te dis, il y a d'autres moteurs qui sont rentrés en ligne de compte. Alors, j'ai commencé par raconter mon univers, mon quartier, d'où je venais, et puis un petit peu le rapport à ma nouvelle vie, tu vois, ce que ça provoque dans la vie d'un gamin de devenir une vedette, une, tu vois, une rosta. Et aujourd'hui, je te raconte toute autre chose. J'ai rencontré une femme incroyable, qui est française, sa famille catholique, la mienne est musulmane. On a eu un enfant, on l'a appelé Léon. Le bordel que c'était. On est en 2010, hein. On pourrait penser que la mixité, c'est un truc, c'est plus un sujet. Eh ben non, l'ami. C'est partout un sujet. Je pense que c'est bizarre que la religion prenne de plus en plus de place. Quand j'étais gamin, nous, on s'en foutait. Notre religion, c'était le foot. On jouait cinq fois par jour au foot en direction de la Mecque. On n'avait rien à foutre de ces histoires, tu vois. Si ça prend autant de place aujourd'hui, c'est que certainement, la politique a déserté à un endroit, tu vois. C'est pas normal que des gamins de 20 piges se retrouvent avec une barbe jusqu'à l'omoplate, des Stan Smith et une Jellaba Lacoste, et qu'ils essaient de prôner la bonne parole. Les mecs, ils ont jamais lu le Coran de leur vie, tu vois. Mais si ils se réfugient là-dedans, c'est qu'on les a pas considérés. Et d'ailleurs, s'ils se réfugient là-dedans, c'est que probablement les seuls qui leur ont parlé sont des religieux. Alors, j'ai pas la solution, mais il y a un truc qui me dérange là-dedans. La religion ne devrait pas prendre autant de place. Moi, je suis musulman, pratiquant, pratiquement, tu vois. Ouais, je suis musulman, pratiquement, c'est ça que je te disais, tu vois. C'est un bon Bourgogne, hein, je te conseille. C'est un bon Bordeaux. Non, ça c'est un Bordeaux, ça, pardon, c'est un Lagune. La Lagune. Mais ça, tu vois, ça typiquement, ça c'est un truc. C'est un très bon sujet. Je voulais écrire un truc sur le vin et sur le porc. J'ai écrit d'ailleurs un truc sur le porc avec le Jamel Comedy Club. Parce que ça c'est un vrai bordel. Comment c'est possible? Comment c'est possible qu'on nous interdise ce truc? C'est tellement incroyable le vin. Non mais franchement, mais c'est une boisson qui existe depuis quoi? 3000 ans? Il y a une raison, hein. Il y a une raison, tu vois. Bon, en tout cas, tout ça pour te dire que... Non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Ça veut dire qu'il faut, dépasser les commandements des religions quand ils sont plus valables, quoi. Écoute, oui. Je pense que Port, il y avait un truc d'hygiène.